Bazami Balete. Il est l'unique, le seul, le souverain, le chef suprême, le maître de la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Chantons tous que Zambé Bokonde Antenne. Puissance qui libère. Oublie, oublie. Matthieu a dit, si tu pardonnes aux autres leurs offenses, et votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Pendant que tu es sur la terre, cherche l'Éternel au Kondia Tchengue. L'unique, le seul au Kondia Tchengue. Pour le Nkoumou, nous ne connaissons pas comme ça. Ma botanie, c'est tombé la caille. Azamokozi, il est le chef suprême. Ne crains pas, développe l'amour, développe l'amour. C'est ça la voie, c'est ça le chemin que Dieu te donne. Yamone Zela, ne faille pas. Personne ne peut t'anéantir parce que tu aimes le Seigneur, n'est-ce pas? Psaume 91, verset 14 à 16. Puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Il m'invoquera dans sa détresse, je le répondrai. Je le glorifierai et je le ferai voir mon salut. Voyons, et pour ceux-là qui connaissent le Seigneur, tout passera, mais il y a un homme qui ne passera pas, c'est l'Éternel des armées. Ah, Kunga, ambos le mundate, doyeva di kinali beko. C'est le coquillot de Manzambe. Angi kin sembos kishasa. Tu comprends gal. O hulu modile yo, wa mure de ape bisle de suko sumo mombong yo. Satan na taria barokura. Non na no din janga. Le 4 mars 2012. No o palo minu mi lola bade. Ojo on fute bade, o tini bade basa kwele, la loma kwele. Mais mal à 7h30, 8h au Guyolé, nouveau Gorban au Tchinan. Ta Yabarokura, Ngamo Djen, nous sommes pénis. Ah, Batsengre. Espoir en bas le Kouvalé Kabalé, Ngoumali Lidjou.